projet pour les conseils ouvriers de se faire récupérer par est-ce qu'il développe Alors, il le développe, mais bon, dans des textes que j'ai assez peu travaillé pour l'occasion, excusez-moi, parce que mon temps m'était limité. Mais il n'est pas effectivement, enfin, moi je le trouve pas non seulement très clair, et je trouve ses réponses pas satisfaisantes. Pour lui, il faut vraiment laisser la plus grande autonomie au prolétariat. Moi, il me semble que le type d'action dans lequel nous on se situe, à savoir un accompagnement de lutte, parce que pour lui, les mouvements révolutionnaires doivent vraiment essayer de rester le plus loin possible des ouvriers pour ne pas les, entre guillemets, polluer. Et moi, il me semble que ce que nous, on essaye de faire, quand, par exemple, on soutient un groupe d'ouvriers, qu'on intervient avec eux, même si c'est en tant que CNTAIT, et qu'on les accompagne en leur donnant et des moyens humains et des moyens matériels, moi, me semble être une démarche plus intéressante. Parce que ça, c'est une démarche, par exemple, que Pankuk, lui, ne va pas utiliser. Et pour lutter contre l'influence donc de ces groupes-là, lui, il promeut la discussion et la propagande auprès des ouvriers. Donc c'est... Là, on est quelque part face à un problème qui, à mon avis, de toute façon, se résoudra dans l'action et sur le moment. On ne peut pas réellement prévoir, un, quelle sera leur attaque par rapport au mouvement, et deux, leur réaction par rapport à ce que nous, on peut faire. C'est toujours un jeu de lutte. Ça fait partie, finalement, de la lutte de classe aussi. Donc ce sera à nous, je pense, d'être suffisamment créatifs pour réussir à contrer cette influence-là. Mais un des fondamentaux, je pense, absolument indispensable, c'est la clarté sur nos idées et nos objectifs dans cette situation-là. Ce que tu dis, ce sera, mais c'est toujours ce qui nous oppose aux trotskistes et aux léninistes, justement, c'est que souvent récupérer des dynamiques intéressantes. Si on reprend tout ce qu'a dit Pankuk, c'est finalement par l'auto-organisation des masses qu'ils arriveront eux-mêmes à dépasser ce mouvement-là. C'est par une clarification dans l'action qu'ils arriveront à dépasser ça. C'est quelque part comme ça qu'ils résout le problème. Comme il le dit, le mouvement va connaître des avancées et des reculs. Ces reculs, ce sont effectivement les reprises de pouvoir aussi de ces mouvements-là sur le mouvement révolutionnaire. Juste, j'ai l'impression, quand tu parles de sa position, qu'il pose comme dogme une tendance à l'auto-organisation et à la clarté chez la classe ouvrière, et comme une sorte de foi religieuse. Alors, c'est pas un dogme, c'est une nécessité pour lui. C'est-à-dire... oui, une forme de spontanisme. Alors, oui... Oui et non, je dirais. C'est comment dire, de l'analyse qu'il fait de la société, à un moment donné, c'est nécessaire. C'est-à-dire que si révolution il doit y avoir, elle se produira dans ces formes-là. C'est comme une condition. Voilà, c'est plus une condition réellement que quelque chose auquel il croit. Castorialis, c'est quoi sa position là-dessus? Enfin, pour empêcher la prise de pouvoir par les léninistes. Alors, là, le problème de... Bon. Je peux vous lire le passage dont il est question, si vous voulez. Non, mais il a une solution claire, Castor. Pour lui, il va falloir, si un jour il y a une... Par exemple, il prend l'exemple du risque de prise de pouvoir par les staliniens. C'est l'exemple qu'il cite. Il dit il va falloir agir avant eux. Donc, je prends le pouvoir. Bon, c'est un texte de Castoriadis, je précise, assez ancien. C'est-à-dire que Castoriadis a quand même beaucoup évolué dans sa pensée. Là, c'est un texte qui, il me semble, date des années 50. Donc, après ça, il a évolué. Le problème, c'est que sa position d'après, je ne la connais pas. Donc, voilà. Mais sur le moment de sa réponse, c'est ça. Pour lui... Je ne sais pas si elle a évolué. A priori, de ce que j'ai pu lire, elle a certainement évolué quand même, parce que ça ne rentre plus dans ses considérations ultérieures, notamment quand il entame la rédaction de l'institution imaginaire de la société, où là, il rompt avec le marxisme. Là, il est encore, à cette époque-là, dans une dynamique de parti politique. Voilà, donc c'est délicat de parler de Castoriadis, parce qu'il s'est beaucoup remis en question à ce niveau-là. Parce que Pankuk, lui, par contre, a évolué de ses premières positions, mais à partir des textes qu'on va lire à partir des années 30, on les retrouve quasiment mot pour mot dans ce bouquin qui a été écrit dans les années 40. Donc lui a quand même été beaucoup plus continu dans sa pensée. Après, on peut, je pense, moi, qu'il me semble assez intéressant d'essayer de voir ce qui, dans cette analyse-là, peut correspondre aujourd'hui à la situation qu'on vit. Moi, notamment, on en parlait hier, il y a un exemple que je trouve assez intéressant, c'est ce renouveau qu'on est en train de voir, alors effectivement assez minime, mais qui est en train de se faire des luttes autonomes. Où bien les syndicats sont très très gênés pour suivre notamment les séquestrations de patrons. Les débrayages spontanés à Airbus qui ces derniers temps se sont multipliés. Donc est-ce qu'à un moment donné on n'est pas dans une phase de prémisse à ce niveau-là? On voit aussi la réaction du gouvernement à ce niveau-là, c'est que le gouvernement recule, lui, balance de l'argent pour essayer justement que ces luttes-là spontanées, que les ouvriers rentrent chez eux le plus vite possible et retournent au travail le plus vite possible. Donc, moi, il me semble que, avec toutes les limites que cette analyse peut avoir, elle peut quand même permettre de cerner certaines problématiques qui peuvent être les nôtres dans le futur. Voilà. Dans l'exposé que tu as fait, d'après ce que dit Pankuk, il estime que le développement du capitaliste va entraîner un développement en nombre de la classe ouvrière. Alors ça, c'est un des problèmes du... C'est quand même un problème important dans ce préalable qu'il pose, c'est que la classe ouvrière telle qu'elle existait dans les années 60-50, c'est-à-dire dans les grandes productions, des grandes usines, etc., avec les contrats collectifs, tout ça, elle a plutôt été laminée. Bon, après, il y a toujours une classe exploitée, il y a toujours... mais sous des formes tout à fait différentes, variées, et qui font que le mode d'action n'est plus si évident que ça, n'est plus si mécanique que ça. Donc alors, ça c'est un préalable quand même, je ne sais pas si c'est dans la salle, il y a des gens qui estiment que la classe ouvrière en tant que classe, la classe ouvrière du secteur primaire, je parlais, secondaire, merci. D'ailleurs le secteur primaire aussi a été, le secteur secondaire, donc parce que là, à ce secteur-là, qui fait référence, c'est l'ouvrier d'usine, on a entendu le mot usine, bien, il est quand même réduit à la portion congrue en termes. Alors peut-être que stratégiquement, il est très important, parce que c'est évident que s'il y a des grèves dans des usines stratégiques comme Airbus, des choses comme ça, ou à EDF, c'est-à-dire là où il lâche le plus d'argent, hein, parce qu'il y a eu une grève, je crois que ça s'appelle EDF, chez EDF, ou je ne sais plus quoi, chez Métanier, pour l'histoire avec Stock Option. 15 jours de cela, les gens de GDF trouvaient que le patron avait gagné trop d'argent. Ils ont fait 48 heures de grève, comme ça, effectivement, spontané. Ça a duré que 48 heures. Le patron, il a été. On a supprimé ses indemnités au patron, et les ouvriers ont été augmentés. Voilà. Donc, effectivement, quand c'est un secteur stratégique comme ça. Mais le problème, c'est que les secteurs stratégiques, ils n'ont pas des masses, et que le capitalisme fait quand même son profit quand même dans le tiers-monde, etc., et tout, dans les pays. Émergent, et que là il y a une misère terrible, il y a un milliard d'êtres humains qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et ça dans Pankuk. C'est aussi la classe ouvrière, mais ça ne paraît pas dans Pankuk. Dans Pankuk, on voit le préalable, c'est les usines vont proliférer, les ouvriers vont proliférer, et comme ils sont rencontrés, c'est le travail associé, ils vont créer leur solidarité et on fera des trucs d'atelier. Oui, d'accord, mais les 1 milliard d'êtres humains qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qui font partie effectivement de la classe ouvrière, pour s'expander au moins, et bien sûr là, comment ils font? Est-ce qu'ils font des délégués d'atelier dans les camps de rétention? Bon, ça peut se faire, mais enfin, ça nous dit quand même que. C'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça montre que il y avait déjà ça a été posé le problème de l'auto-organisation, les travailleurs, les ouvriers, les exploités, l'émergence de la conscience collective, etc. et tout, l'affrontement à leur sein parce qu'il y a des tendances, etc. et tout, la polémique. Bon, tout ça s'est posé, c'est dit, mais les conditions quand même aujourd'hui, 40 ans plus tard. C'est pas parce que, enfin moi c'est mon avis, c'est pas parce qu'il y a des usines où les gens vont se mettre en grève comme ça, que ça va amener une révolution. Tout simplement parce que le capitalisme a les moyens peut-être, de circonscrire cela, ne serait-ce qu'en reculant au niveau financier. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait à GDF, c'est ce qu'il a fait à Airbus apparemment, c'est ce qu'il fait, il arrose un peu. Bon. Alors, deux remarques. Ah, c'est bon. Il faut lever la main. Deux remarques vite fait. La première, bon, je vais un peu me faire sur l'avocat de Pankak. La première, c'est que si on suit son type d'analyse, il reste encore des potentialités de développement du capitalisme. Tous les secteurs de la planète ne sont pas industrialisés. Il reste encore l'Afrique. La Chine a connu un développement avec des taux de croissance à 2 points ces dernières années. Et là encore, il y a possibilité d'accroître les moyens de production. Bon. Mais après, moi, je suis d'accord avec cette objection. C'est vrai que dans l'Occident, on se rend compte de la chute complète du système industriel et du développement d'un système tertiaire qui ne rentre pas effectivement dans ce cadre d'analyse. Puis après, il précise quand même bien, et c'est là moi que j'apprécie son ouverture, il dit bien qu'il faut aussi s'adapter aux situations présentes et que c'est aussi à chacun de trouver le moyen d'action qui corresponde effectivement à la situation présente. Lui, il le précise bien dans son bouquin, il écrit quelque chose qui fonctionne à son avis à la date où il l'écrit. Mais il faut l'adapter, il faut remettre en question tout ce qui est dit, suivant les évolutions du système, effectivement. Et ça, c'est peut-être aussi un des grands manques du mouvement révolutionnaire actuel, mais un des manques de la société de manière générale, c'est cette difficulté à réussir à faire quelque chose de neuf, réellement, et de réellement puissant, pour renverser le capitalisme aujourd'hui. Ces formes-là, il va falloir les trouver, à un moment donné. D'autant que quand il dit qu'il faut que les ouvriers développent leur conscience de classe, effectivement, si le secteur primaire a été laminé, par exemple ici en Europe ou ailleurs, il y a eu effectivement la robotisation, il y a eu effectivement le développement de l'économie tertiaire, etc., avec les services, etc. C'est une des transformations générées par le capitalisme aussi, ayant pour conséquence de complètement brouiller ce schéma de la lutte des classes. Et donc, voilà, c'était tout à fait valable ce schéma-là à l'époque où ça a été écrit. Or, aujourd'hui, le capitalisme, il a gagné. Toutes ces batailles-là, il a vraiment gagné au cours des décennies, toutes les batailles toutes les batailles qui ont été menées. Et donc à partir de là, l'identité de la classe ouvrière, si la classe ouvrière elle est vraiment réduite à peau de chagrin, par exemple, sous nos latitudes, et qu'elle est augmentée dans les pays du Sud, etc., c'est un fait, mais il y a quand même la robotisation en parallèle dans les pays du Sud aussi, et il y a une transformation de l'économie mondiale qui fait que ce schéma-là de la lutte des classes avec les ouvriers d'un côté, les patrons de l'autre, on n'y est plus du tout. Quoi. On n'y est plus du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, des exploitants et des exploités, mais c'est plus du tout la même forme. Et donc on ne peut pas calquer sur ces textes qui ont 50 ans ou plus le reste. On ne peut pas s'y calquer aujourd'hui. Et je pense que ça, ça rejoint le premier point qu'on avait cité tout à l'heure sur le danger de la récupération des luttes autonomes. Par les trotskistes, les léninistes, les marxistes autoritaires, on dira. On va avoir l'avis des gens du CCI là-dessus, sur comment justement éviter la récupération des suggestions. Quoi. Mais parce que s'il n'y a pas d'identité, si on n'est plus dans ce schéma-là, cette pensée-là, elle n'est plus du tout adaptée. Quoi. Et pourtant, c'est archi d'actualité. On y est toujours. Enfin, je veux dire, depuis qu'on lutte, on se retrouve face à face avec les trotskars ou les léninistes qui veulent systématiquement récupérer les dynamiques. Un exemple très précis, j'ai peu d'informations là-dessus, mais j'en ai eu quand même quelques-unes assez précises. Par exemple, ce qui est en train de se faire aujourd'hui à Toulouse, à l'Université Sabatier, les réunions interpro, c'est, à mon avis, une manière pour les gestionnaires réformistes des syndicats, des directions syndicales et des syndicats en général, une manière de récupérer les dynamiques justement de lutte autonome et de dissidence de certains groupes aujourd'hui. Parce que ce qui se passe sur Toulouse, c'est qu'il y a des gens qui a priori ne seraient pas tout à fait d'accord avec les consignes et les comment on appelle ça, les consignes de couloir des directions syndicales parisiennes et qui essayent de s'organiser en parallèle, mais qui restent malgré tout dans leur structure et qui fonctionnent complètement sur le modèle en relation, parce qu'ils y sont encore dans leur organisation syndicale. Et donc ils essayent de faire une pseudo-dissidence, mais en même temps ils actionnent complètement la machine syndicale par les modes de structure. Et j'ai pu entendre dire qu'ils étaient sincères, etc. Peu importe s'ils sont sincères ou pas. Le fait est qu'ils actionnent encore une fois la machine qui a été très bien décrite tout à l'heure des syndicats réformards et des gestionnaires de la lutte à notre place. Et il y a en permanence, mais ça on le sait, c'est un exemple parmi les milliers, ce danger de la récupération permanente de dynamiques très intéressantes par ces gens-là. Et moi, je pense que c'est aussi parce que il faut savoir s'adapter aussi, même en tant qu'anarcho-syndicaliste ou marxiste anti-autoritaire, ou je ne sais pas, il faut systématiquement se réadapter à la situation actuelle, et il faut être honnête et dire que le capitalisme, il a gagné, il fait ce qu'il veut. Il a fait jusqu'à aujourd'hui ce qu'il voulait, et c'est un petit peu... Marx, il n'avait pas tout à fait dans la tuile, il se casse un petit peu la gueule tout seul en ce moment. Le marxisme, c'est pas ce que ça va donner à l'avenir. Mais il faut se réadapter à la réalité pour savoir après comment élaborer des stratégies, élaborer des tactiques, parce que le spontanéisme, ça ne marchera pas, etc., etc. Enfin bon, je veux dire, je ne m'étale pas plus longtemps, les anarcho-syndicalistes, par exemple, quand on parle de... Enfin, j'ai dit que je ne prenais pas la parole, donc... Alors moi j'écoute un peu ce que tu as dit sur Pankok, mais je sais pas, moi il m'est un peu familier le discours un peu qu'il a, mais il ne me satisfait pas vraiment, quoi. Moi la question que je me pose là après ça, c'est pourquoi pas la classe ouvrière, mais pourquoi la population des exploités n'est pas dans une perspective révolutionnaire. C'est ça la question que je me pose. Et c'est en fait quand on a cette question-là qu'il faudrait qu'on réponde, à mon avis. Donc moi je me dis que, plutôt que d'être dans une optique révolutionnaire, moi je vois que la population, malgré les révoltes qu'il y a, les désaccords, les revendications, elle adhère au système. Il y a une adhésion au système capitaliste via la démocratie, qui en fait qu'on n'est là que pour servir le système capitaliste. Alors, moi, je me dis pourquoi. Ben, je vais faire référence à ce qu'a dit une psychanalyste qui s'appelle Alice Miller. Et je me dis que si la population répond aux appels de pied du pouvoir par l'intermédiaire de tous les autres pouvoirs, je parle du pouvoir politique, mais il y a le pouvoir médiatique, le pouvoir...